Je suis Arsène et je pense que défendre les droits humains, c'est la meilleure façon d'être cohérent et en harmonie avec son identité en tant qu'être humain. Et donc pour moi, toutes les personnes, ceux ou celles qui incarnent cette identité sont la somme de moi-même. Par conséquent, on peut assister là où le contenu de cette identité est violenté, assister sans rien faire, passivement, sans nier son identité personnelle, sans être lâche. Je suis entré encore étudiant, utilisé par la Commission Justice et Paix de l'Église catholique, en contact avec des communautés, avec de nombreuses violations, avec des personnes qui étaient complètement oubliées de tout le monde et derrière le mur que nous faisons nos communautés. Et j'ai pensé que le monde et les êtres humains avaient encore beaucoup à faire pour restaurer, pour donner toute la valeur qui revient à la personne en tant qu'être humain. Je me suis toujours imaginé que je pourrais aussi être à la place de personnes dont le droit était violé, rien ne l'empêchait. Et alors j'ai décidé que quand je termine mes études à la faculté de droit, la meilleure chose que je puisse faire, c'est d'utiliser les connaissances que j'ai pour aider les personnes dont les droits sont violés, pour travailler amplement pour la promotion des droits et de la dignité des êtres humains partout dans le monde.